Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Autrefois, avant de prendre la mer, les marins du nord de l'Europe faisaient tous une prière. Ahavet Gudar Rada Auf von Kraken. Traduction, ô Dieu des océans, protégez-nous du Kraken. Kraken? Menverdet? Oh, pardon, excusez-moi, c'est du suédois. Le Kraken, mais qu'est-ce que c'est? Le Kraken est une créature, que dis-je? Un gigantesque monstre des mers. Doté de puissants tentacules, on raconte qu'il coule les navires avant de dévorer les naufragés. Inquiétant, dangereux, mais aussi sacrément fascinant, le Kraken excite l'imagination des aventuriers qui, depuis des siècles, tentent de le débusquer. Mais tous, hélas, rentrent bredouilles. Alors quoi? Foutaise? Mensonge d'Hurluberlu? Le diable des mers? Peut-être, oui. Mais peut-être pas. Les siècles passent. De nouveaux spécimens sont signalés dans tous les océans du monde. Et puis on retrouve, échoués sur des plages, d'énormes morceaux qui laissent penser qu'ils pourraient atteindre 18 mètres. Pour faire plus sérieux, on lui donne un nouveau nom, en latin, Architeutis, Dux. D'après les scientifiques, la bête serait une sorte de calamar géant. Notre diable des mers, c'est la quête d'un scientifique japonais particulièrement obstiné. On l'appelle le paparazzi des mers. Mais son vrai nom, c'est Tsunemi Kubodera. Le biologiste a un projet complètement dingue. Réussir à filmer l'animal. Il est temps que le monde rencontre sa créature. Ah oui? Eh bien, bon courage, mon vieux. Le calamar géant vit dans les abysses, tout au fond des océans, à près de 900 mètres de profondeur. Là-bas, les rayons du soleil ne pénètrent jamais. C'est tout noir, tout glacé. Là-bas, les humains n'ont aucune chance de survivre. Nous sommes en 2012, dans les eaux de l'océan Pacifique, celles qui bordent le sud du Japon, au large des îles Ogasawara. Régulièrement, des bandes de cachalots se rendent dans cette magnifique région du monde pour élever leurs petits. Il se trouve que les cachalots se régalent d'un mets extrêmement rare. Le calamar géant. Tu vois où je veux en venir? Oui. Il doit y avoir dans le coin quelques beaux spécimens. Bingo! C'est donc là que Tsunemi Kubodera a décidé de chercher. Notre homme est à la tête d'une incroyable expédition. 50 scientifiques venus des quatre coins de la planète ont embarqué avec lui sur la Lucia, un navire d'exploration à la pointe de la technologie. À bord, l'équipe dispose d'un outil extrêmement précieux. Le Triton. Un sous-marin en forme de grosse bulle transparente, capable de descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Le cœur de Tsunemi bat la chamade. Seul, à l'avant du bateau, il plonge ses yeux dans la grande bleue. Fini les parties de cache-cache, mon coco. Toi et moi, on a rendez-vous. On passe à la manœuvre. Sur le pont, ça s'agite sec. L'équipe s'apprête à faire sa première plongée. Dans une heure, dans deux heures, qui sait? Ils vont peut-être enfin se retrouver nez à nez avec le fameux calamar. Tsunemi et son pilote prennent place à bord du sous-marin. Ils testent les micros qui leur permettront de communiquer avec le reste de l'équipe sur le bateau. Allô, allô, ici Tsunemi, et non pas Tsunami. Vous m'entendez? Tout est OK. On referme les portes. C'est parti! Let's go, les sosos! Yahoo! Le sous-marin s'enfonce dans l'océan. Les rayons du soleil faiblissent, puis disparaissent. Cent. 150. 200 mètres de profondeur. C'est l'obscurité totale, absolue. Bienvenue dans les abysses. Ici, l'être humain perd tous ses repères. Peu à peu, d'étranges créatures molles émergent des ténèbres. Des méduses, des poulpes, des sortes de mille pattes des mers, toutes scintillent et clignotent comme de petites lampes. Elles sont bioluminescentes. Tu vois, Boris, explique Tsunemi à son pilote. Au fil de leur évolution, les habitants des abysses ont développé des techniques spéciales pour survivre dans cet environnement archi-hostile. En émettant leur propre lumière, ils peuvent communiquer entre eux et attirer des proies. C'est époustouflant! Le sous-marin Triton continue de s'enfoncer. Il fait de plus en plus froid. 400. 500. 600 mètres. Soudain, un énorme animal apparaît devant les vitres du sous-marin. Est-ce le calamar géant? Impossible, il n'a aucun tentacule. Mais alors, qu'est-ce donc? Oh non, purée, c'est un requin! Son énorme corps, puissant, robuste, se tortille dans tous les sens. S'il fonce sur le sous-marin, ça va faire mal. L'animal s'approche. Tout le monde retient sa respiration. Puis il repart. Avant de disparaître. Après 8 heures d'exploration, Triton doit remonter à la surface. Bilan des courses, c'était une magnifique balade, magique même! Mais purée, le calamar géant n'a pas daigné pointer le bout de son nez! Enfin, je veux dire, de ses tentacules. De retour sur le bateau, Tsunemi réunit son équipe. Ah, l'océan, c'est vraiment immense. On va pas pouvoir continuer à chercher au hasard Balthazar. Il nous faut une idée! Des idées? Edith Wider, on a des tas. Cette biologiste américaine a plus d'un tour dans son sac. Elle a fabriqué un petit objet, baptisé Médusa, parce qu'il ressemble à une méduse, censée appâter notre calamar géant. Relié à une caméra, Médusa filmera la rencontre. Enfin, c'est ce qu'on espère. Allez, c'est parti! On plonge la fausse méduse dans l'eau, direction les abysses! En attendant de remonter l'appareil à la surface, Steve Oshie, un scientifique néo-zélandais, souhaite lui aussi tenter quelque chose. Son plan est très simple. Steve a mixé des restes de calamars géants jusqu'à obtenir un liquide bourré de phéromones, une substance chimique très odorante qui permet aux animaux de reconnaître les membres de leur espèce. Une fois répandue dans les abysses, la mixture attira d'autres calamars. Et voilà, le tour sera joué! le sous-marin Triton s'enfonce dans l'océan. Il emmène avec lui Steve Oshie et son super cocktail. Arrivé à près de 600 mètres de profondeur, le scientifique largue son étonnant liquide. Puis, il attend. Un calamar géant va-t-il cette fois pointer le bout de son nez ? Une demi-heure plus tard, enfin, une créature apparaît. Mamma mia ! C'est bien un calamar ! Mais hélas, oh non, zut ! Il est tout petit ! Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Des beignets ! S'exclame Tsunemi. Bon, bon, allez, c'est vrai que c'est décevant, mais il ne faut pas baisser les bras. N'oublions pas la caméra de Médusa. Qui sait, elle réserve peut-être une excellente surprise aux scientifiques. Et d'ailleurs, c'en est où cette histoire ? Deux jours plus tard, on remonte la fausse méduse à la surface. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Annonce Tsunemi à son équipe. La bonne, c'est qu'on a beaucoup de café. La mauvaise, c'est qu'il y a 30 heures de film. 30 heures ? Oh pétard ! Bon courage ! Les heures passent. Les scientifiques commencent à piquer du nez. Lorsque... 2, puis 3, puis 4, puis 5 gros tentacules apparaissent sur l'écran. Ils se déploient, ils ondulent, ils tournent, ils s'entortillent, ils tentent de s'emparer de la fausse méduse avant... Oh non ! De disparaître. Pour Tsunemi, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'un calamar géant. Oh, c'est fou, c'est incroyable. Certes, l'animal a refusé de se montrer en entier, mais pour la toute première fois, quelqu'un, enfin quelqu'une, a réussi à le filmer. Edith Wider a obtenu les toutes premières images du diable des mers. La scientifique a les larmes aux yeux. Pour Tsunemi, hors de question d'en rester là. Non seulement il faut qu'on réussisse à le filmer de la tête aux tentacules, mais je veux me retrouver face à lui. Je veux le voir danser et évoluer dans son habitat naturel. C'est parti pour un nouveau défi. On plonge. On replonge encore, près d'une centaine de fois. Aucune trace du calamar géant. Même pas une petite ventouse qu'il aurait oubliée dans un coin ? Non, absolument rien. Après 400 heures passées sous l'eau, Tsunemi est à bout. D'autant que le temps presse. Dans quelques jours, la mission touchera à sa fin. Notre scientifique n'est pas du genre à jeter l'éponge. J'ai encore un coup à tenter. Pour ne pas effrayer le géant des mers, cette fois, Tsunemi a décidé d'éteindre toutes les lumières du Triton. Il utilisera des projecteurs à lumière rouge, invisibles pour les habitants des abysses. Et ce n'est pas tout. Il aura aussi recours à une proie, un petit calamar, car le diable des mers, paraît-il, en raffole. La nourriture est rare dans les abysses. Avec un peu de chance, il se laissera tenter. Tout est prêt. Triton, une nouvelle fois, s'enfonce dans l'océan. C'est la plongée de la dernière chance. Arrivé à 600 mètres de profondeur, on largue la proie. Puis, on allume les lumières rouges. Triton avance dans l'obscurité. Le temps passe. Les yeux grands ouverts, Tsunemi regarde à droite, à gauche, en bas, en haut. Mais il ne voit rien. Toute ma vie, je t'ai cherché, diable des mers. En vain. Tant pis. J'ai tout de même découvert un monde fascinant. C'est enivrant et sublime, les abysses. Tandis que quelques larmes coulent sur ses joues, le scientifique aperçoit une forme étrange. Là, sur la droite. C'est lui. C'est lui. À quelques mètres, un calamar géant avance en direction de la proie. Le scientifique ne tient plus. Il veut l'observer sans risquer d'en perdre une seule miette. Allumez les projecteurs. Allumez les projecteurs. Sous les faisceaux de lumière blanche, le diable des mers se dévoile dans toute sa majesté. Ce n'est pas un très grand spécimen. Il mesure 3 ou 4 mètres à peine. Mais il est absolument magnifique. Tsunemi l'observe, bouche bée. Le calamar brille comme de l'or. Ça, par exemple, sa robe est argentée. Qui l'eût cru ? Ses yeux, tout ronds, sont immenses, aussi grands que des assiettes. L'animal, tout à coup, déploie ses 10 tentacules et dévoile une bouche en forme d'étoile. Et l'eau apparaît alors un bec noir, dur, semblable à celui d'un perroquet. C'est fascinant! Sa proie attrapée, le diable des mers plonge dans les profondeurs, entraînant le triton jusqu'à 800 mètres. Durant 18 longues minutes, le calamar géant accepte de se laisser observer. Tsunemi est rouge, bleu, vert. Il rit, il pleure, il rit encore. Complètement bouleversé, il en fait sauter les bretelles de son pantalon. Puis, le triton perd sa trace. Entre nous, ça vaut mieux. Quelques secondes de plus et Tsunemi aurait également fait sauter l'élastique de son slip. Après 40 années de recherche, le rêve de Tsunemi s'est enfin réalisé. Non seulement il a réussi à observer le calamar géant de ses propres yeux, mais il a tout filmé. Le monde entier peut désormais rencontrer l'étonnante créature. Les abysses, ce monde obscur, fascinant, est un territoire encore très mystérieux pour les humains. On dit qu'on connaît moins bien le fond des océans que la surface de la Lune. Qui sait les animaux étranges et majestueux qui s'y cachent encore ? Qui sait ce que tu pourrais un jour y découvrir ? Derrière cet épisode, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Basile Bocquer et moi, Laure Grand-Besançon. Les calamars géants sont des invertébrés. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de squelette. En revanche, ils possèdent une sorte de gros os allongé, un peu comme celui d'une sèche, qu'on appelle une plume. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.